ne viens pas me raconter ta vie si elle est virtuelle. Car je suis pas étonné que m'étonner devienne ton rituel. Ne viens pas me déclarer la guerre, celle-ci sera pas longue. Une équipe de talent, toujours au paix pour te couper ta langue. Ne viens pas jouer les durs ou les professionnels. Dans vivre les mecs qui durent, c'est quand l'argent n'est pas obsessionnel. Ne viens pas me dire ce que j'ai à faire, mes objectifs sont clairs. Pas là pour faire carrière vu que je vends pas de disques en millions d'exemplaires. J'essaie de rester droit, de résister aux tentations. Ma branche ne rapporte pas, je préfère la vente de vertes plantations. Nos tentatives pour réussir sont souvent bafouées. Nos souhaits pas exaucés, ceux qui nous bloquent méritent des baffes, ouais. La route est longue et sur le chemin dur d'éviter les pièges. Et quand tu te loupes, c'est comme quand tu tombes du haut d'un télésiège. Nos départements sont bouillants, viens pas jouer les gangsta. Ici les plus petits pour une bouillante pourraient tirer dans le tas. Ne viens pas me tirer dans les pattes, m'empêcher d'avancer. C'est tard vu qu'au départ j'ai toujours pas le succès annoncé. Les journées passent et se ressemblent, rares sont les exceptions. Viens pas toucher mon rap car c'est mon meilleur moyen d'expression. Ne viens pas me tirer dans les pattes, m'empêcher d'avancer. C'est tard vu qu'au départ j'ai toujours pas le succès annoncé. Les journées passent et se ressemblent, rares sont les exceptions. Viens pas toucher mon rap car c'est mon meilleur moyen d'expression. J'avance avec mon petit cahier, stylo comme arme blanche. J'écris des rimes quand je pense, mais je suis en transe dès qu'un connard me branche. Ne viens pas me dire que t'apprécies si c'est pas du tout le cas. Pas du genre agressif dans mes récits, tu peux rester cool gars. On voit l'avenir, les yeux plissés et le terrain glissant. Les mecs sont au lycée, mais braquent déjà des mercos S600. Dans nos cerveaux, on a des rimes et des soucis par tonne. Je rappe pas par intérim, mais je m'applique pour que ma clique cartonne. Je reste modeste, y'a pas de star dans mon académie. Pourquoi venir nous tester, vu qu'à part les stars, on n'a pas d'ennemis. Dans notre train de vie, on a la rage dans le même compartiment. Je compris que pour m'en sortir, fallait que je me tire de ces grands bâtiments. Ne viens pas faire n'importe quoi, fais preuve d'intelligence. On voit qu'à je fais une croix, les PNP ne sont pas des diligences. Ne viens pas me donner des conseils si ça sort pas du cœur. Incompris dans la vie, donc mon peur me sert de traducteur. Ne viens pas me tirer dans les pattes, m'empêcher d'avancer. C'est tard vu qu'au départ, j'ai toujours pas le succès annoncé. Les journées passent et se ressemblent, rares sont les exceptions. Viens pas toucher mon rap car c'est mon meilleur moyen d'expression. Ne viens pas me tirer dans les pattes, m'empêcher d'avancer. C'est tard vu qu'au départ, j'ai toujours pas le succès annoncé. Les journées passent et se ressemblent, rares sont les exceptions. Viens pas toucher mon rap car c'est mon meilleur moyen d'expression. Ne viens pas te plaindre, toi t'es tranquille pendant que les gosses mendient. En Afrique et c'est gore comme pour la guerre des plages de Normandie. Les gens sont comme des quilles, l'argent c'est la boule de bowling. Viens pas me dire que ça roule, on perd la boule et ça faut que je le souligne. Difficile de voir et de croire que l'avenir se fracasse. Agacé de voir leurs fils se ramasser, nos darons se tracassent. À la casse, on retrouvera ceux qu'on lâchait trop tôt. Une vie à 100 à l'heure et sans valeur dure d'éviter le poteau. De pire en pire, on est grillé de part en part et pas de rempart. Quand la poisse nous donne rencard et quand nos parents partent. Ne viens pas critiquer ce qu'on fait avec ce qu'on possède. Le tout c'est de réussir, peu importe la manière dont on procède. Ne viens pas me tirer dans les pattes, m'empêcher d'avancer. C'est tard vu qu'au départ, j'ai toujours pas le succès annoncé. Les journées passent et se ressemblent, rares sont les exceptions. Viens pas toucher mon rap car c'est mon meilleur moyen d'expression. Ne viens pas me tirer dans les pattes, m'empêcher d'avancer. C'est tard vu qu'au départ, j'ai toujours pas le succès annoncé. Les journées passent et se ressemblent, rares sont les exceptions. Viens pas toucher mon rap car c'est mon meilleur moyen d'expression.